Hommage au groupe de musique Nirvana. Alors, j'ai décidé de me faire plaisir à présent et de rendre hommage verbalement à ce groupe qui a marqué mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Je les écoute toujours une fois de temps en temps. Donc, c'est un groupe rock d'origine de Seattle qui a eu beaucoup de succès dans les années 90. Il est composé de Kurt Cobain, donc pour la voix et également la guitare. Ensuite, il y a Chris Novelsick pour la basse et également Dave Grohl qui a été le batteur du groupe de musique. Ça, c'est par rapport aux membres originaux, donc le trio. C'est sûr que par la suite, il y a un deuxième guitariste, Pat Smear. Il y a également une personne qui a joué du violoncelle aussi pour eux sur scène. Mais le point, c'est que ces trois musiciens ont généré une musique avec une intensité particulière. Que je n'ai pas nécessairement retrouvé par la suite, parce qu'après tout, le batteur d'origine du groupe Nirvana, donc Dave Grohl, a parti son groupe par la suite, qui s'intitule les Foo Fighters, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 ans d'activité avec ce groupe de musique, avec de nombreuses chansons, de nombreux concerts live. Bien que j'apprécie ce groupe, je peux pas dire qu'il réussit à véhiculer la même intensité musicale que Nirvana. La particularité de Nirvana, ça a été vraiment son chanteur qui dégageait une vibration particulière, dans le sens que, à travers sa musique, beaucoup de colère a été exprimée avec une grande intensité. Ce qui faisait que lorsque j'écoute Nirvana, ça me laisse pas indifférent. Parce que la vibration de la colère qui est véhiculée dans la musique, m'a amené beaucoup à vibrer intérieurement. Bien entendu, le groupe Nirvana n'était pas parfait. Après tout, son chanteur s'est suicidé. C'est un homme qui a vécu des tensions extrêmement fortes. Donc, c'est sûr que, bien entendu, je n'approuve pas le geste. Néanmoins, je suis capable d'apprécier le fait que, durant sa carrière, qui a été courte mais intense, on parle de quelques années, donc entre, je vous dirais, à peu près 1989 et 1994, le groupe a réussi à produire des chansons, des spectacles qui ont marqué le domaine de la musique rock et qui également ont été des éléments qui ont été très intenses. Et ce qui est particulier du groupe, c'est qu'il y avait une certaine liberté à l'égard de la forme que n'avaient pas d'autres groupes et qui n'ont toujours pas certains groupes de la musique actuelle. Parce que ce qui est intéressant, c'est le principe à partir duquel Kurt Cobain composait les chansons. Donc, à un moment donné, j'écoutais une entrevue qu'il a effectuée sur Internet et il disait ceci. La musique vient en premier, les paroles, c'est secondaire. Donc, autrement dit, ça revient au principe que c'est la vibration qui vient en premier, ou l'émotion, ou l'intensité qu'il veut transmettre, et ensuite la forme sur les paroles. Parce qu'il existe beaucoup de groupes avec de très bons compositeurs de paroles, des gens très articulés, des gens très éduqués. Donc, il y a des belles paroles, mais ces gens-là n'ont pas nécessairement l'intensité et n'ont pas également la capacité de véhiculer une vibration qui est forte. Donc, autrement dit, ça reste juste au niveau de la forme comme la haute intellectualité. Donc, c'est sûr que quand il dit ça, ça m'a ramené au fait que lorsque j'écoute de la musique ou j'écoute quelqu'un qui parle, la première chose que je veux, c'est vibrer. Que la personne soit très articulée ou qu'elle ne le soit pas, en bout de piste, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est la partie d'elle-même qu'elle est capable d'exprimer à travers son énergie lorsqu'elle communique, que ce soit à travers une œuvre d'art, que ce soit à travers n'importe quoi, que ce soit de la parole parlée ou que ce soit de la musique. Et c'est un petit peu dans cette optique que j'ai apprécié l'approche de Nirvana. Parce que, après tout, lorsqu'on les regarde avec un recul, si on regarde les chansons de Nirvana, il y a des paroles décousues, des paroles contradictoires. Ensuite, Kurt Cobain, c'était pas la personne la plus articulée qui existe. Il y a des défauts de prononciation. Des lacunes importantes en ce qui concerne sa diction, mais il y avait l'intensité lorsqu'il communique. Même chose au niveau du jeu de guitare. Il y a des musiciens qui sont des virtuoses de la guitare, qui sont très bons sur le plan technique, Mais s'ils n'ont pas l'intensité dans ce qu'ils font, c'est pas intéressant. Donc, avec le temps et l'étude que j'ai faite de la musique de Nirvana et de mon intérêt particulier pour ce groupe, j'en suis venu à la conclusion que c'est l'intensité qui est véhiculée dans ce qui est fait qui est plus important que la manière et les formes qui sont utilisées pour le faire. Et aussi, l'une des particularités du groupe Nirvana, c'est que c'était un groupe qui était libre du désir de plaire à un vaste public. Parce que beaucoup de groupes dans le domaine de la musique est composé de personnes qui cherchent à faire de l'argent en disant au public ce qu'il veut entendre et en faisant une certaine forme de complaisance musicale avec des refrains accrocheurs. Il y avait, à travers le groupe Nirvana, une certaine authenticité qui a fait en sorte que, à quelque part, les musiciens ont marqué une forme de contre-culture. Et si on pense entre autres à l'album In Utero, qui a été fait avec une intensité sonore à l'état brut, donc du son d'instrument là, qui est assez abrasif. C'est sûr qu'il n'y avait rien là-dedans pour plaire aux jeunes filles adolescentes, là, comme certains boys bands là, qui, qui leur chantent la cour et qui ont des propos complaisants. Donc, c'est un groupe qui a eu une certaine intégrité au niveau musical dans la manière de produire la musique qui allait en dehors des standards de la musique commerciale. C'est sûr que l'album Nevermind a un succès commercial qui a été presque inespéré, avec notamment la chanson Smell Like Teen Spirit. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans cette chanson qui est devenue un succès de masse, c'est qu'on peut voir qu'il y a une intensité particulière à travers la façon que le chanteur chante, puis la colère, puis la vibration qui est exprimée, qui est particulier parce que d'un côté, c'est devenu un succès commercial, alors que ce qui est véhiculé, c'est à quelque part l'image d'une anti-star. Donc, autrement dit, souvent la vedette, elle est bien habillée, elle est soignée, elle est maquillée, alors que lui, il arrive sur scène avec la mode esthétique grunge qui est devenue une mode par la suite, c'est-à-dire des pantalons déchirés, les fameuses chemises en flanelle. Donc, il y avait une forme de contestation du conformisme vestimentaire qui se rapportait à l'esthétique du groupe de musique. Donc, il y a un côté rebelle qui est là. Donc, ça témoigne d'une forte individualité et d'une volonté personnelle qui s'exprime à travers une capacité de faire une musique qui diverge de ce que les gens sont habituellement habitués d'entendre dans les médias de masse. C'est sûr que Kurt Cobain, qui était particulier, parce que, à quelque part, comme ses collègues de Nirvana, c'était des gens qui respectaient pas nécessairement les conventions. À un moment donné, il y a un animateur de télévision qui annonce que le groupe va jouer la chanson Lithium. Et le groupe ne joue pas cette chanson-là, il joue plutôt Territorial Pissing en spectacle. Donc, à la grande surprise de l'animateur de télévision. Donc, c'est un groupe, je trouvais ça comique un petit peu parce que ils vont des fois aussi provoquer, des fois ils s'habillent en femme aussi sur scène. Là. Donc, ça faisait un petit peu écho à cet esprit que peut avoir des fois les adolescents de contester l'autorité en faisant les choses autrement. Et c'est sûr que par rapport à Nirvana, c'était également des gens qui étaient des destructeurs de formes, les formes anciennes, les formes conventionnelles et conformistes, et également sur le plan littéral, dans le sens qu'ils détruisaient sur scène, souvent en fin de spectacle, des instruments de musique. Donc, il était fréquent de voir Kurt Cobain, à la fin de spectacle, prendre sa guitare et la détruire devant les spectateurs ou se lancer dans la batterie. Donc, c'était particulier. Bien sûr, j'en ferai pas nécessairement autant là, parce que je veux pas non plus me blesser, mais l'idée à travers ça, c'est qu'à quelque part, il était détaché de la forme de la guitare parce qu'il était prêt à la détruire. Donc, par rapport à Nirvana, c'est vraiment l'intensité qui m'a amené à écouter et réécouter cette musique. Lorsque j'ai découvert cette musique il y a plusieurs années, bien, j'étais adolescent et là aujourd'hui je suis rendu à 36 ans et j'écoute toujours cette musique. J'ai pas réussi à trouver d'autres musiciens qui étaient capables de véhiculer avec autant d'intensité la vibration de la colère tout en étant capable de transmettre aussi des chansons mélodiques, là. C'est pas juste du grillage, là, des chansons de Nirvana. Parce que l'une des particularités qu'il avait, le chanteur, c'était d'être capable de crier sur la tonalité de la musique. Et à quelque part, il y a une ambiance particulière qui était générée par rapport à ça, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont faire le même exercice, mais ça ne sera pas aussi intéressant. Donc, c'est sûr que par rapport à Nirvana, c'est aussi lié au fait qu'à travers cette musique révoltée, eh bien, il y a le véhicule de l'expression, du principe de la colère et de la contestation avec intensité. Donc, c'est une musique qui véhicule une forte agressivité. Donc, on voyait clairement que le chanteur du groupe n'avait pas de problème de gêne ou de timidité. Donc, c'est sûr que le chanteur, je parle souvent de lui parce que ça a été la figure de référence par rapport à ce groupe de musique. Donc, Kurt Cobain, c'est quelqu'un qui a vécu des expériences extrêmement difficiles dans son passé. Il a été notamment témoin du divorce de ses parents. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intériorisé. Il y avait notamment un journal personnel où il prenait en note des idées pour composer des chansons. Il écrivait. Et il y avait une très grande souffrance qui était liée à sa sensibilité, qui avait sans doute de la difficulté à gérer, étant donné qu'il se droguait. Donc, il shootait à l'héroïne, là. Donc, sans doute pour essayer de l'engourdir. Parce que, à quelque part, c'est cette sensibilité qui lui permet de véhiculer une intensité particulière dans la musique, mais en même temps, cette sensibilité, s'il n'est pas canalisée d'une manière adéquate, eh bien, ça peut donner place à des états de très grande de souffrance avancée. Donc, c'est sûr que lui, à travers sa musique, il y a eu des états de dépression et de colère qui ont été véhiculés parce qu'il a vécu beaucoup de souffrances qui amènent à vivre l'agressivité qui l'amène à monter par la suite en intensité dans certaines de ses chansons, avec une vibration de la colère dans sa voix, une certaine énergie de contestation. C'est sûr que de canaliser, de gérer tout ça, c'est pas nécessairement évident. Donc, dans son cas, lui, bien, il s'est suicidé. C'est sûr que pour lui, ça finit de cette façon. Je suis pas nécessairement d'accord avec son geste, bien entendu. Mais ce que je retiens de son œuvre et de ses chansons, c'est que lorsqu'il parlait ou il chantait, il dégageait une énergie particulière qui était associée à la manifestation de la vibration de la colère, là. Donc, c'est sûr que même si parfois, lorsqu'il chantait ou prononçait des paroles, ça manquait d'ajustement, des fois il chantait un petit peu faux, il manquait d'articulation, mais il avait l'autorité que lui donnait sa souffrance qui était véhiculée dans la chanson, qui était capable de générer en intensité énergétique à travers la musique qu'il produisait, qui lui permettait quelque part de se démarquer de d'autres musiciens qui, sur le plan technique, pouvaient être davantage performants que lui. Donc, c'est ce que je retiens essentiellement par rapport à sa démarche, là. Donc, c'est sûr que la colère qui a été véhiculée est en relation avec des souffrances qui ont été converties en esprit de contestation dans sa musique. Donc, il a utilisé la puissance de l'énergie du désespoir et de la souffrance pour produire une œuvre. Donc, il a mis cette énergie au service d'une créativité pour rédiger des chansons, pour produire également des vidéoclips en lien avec ça. Donc, c'est une forme de transmutation qui a été faite d'énergie, de souffrance, pour créer une œuvre artistique, dans son cas sur le plan musical. Et c'est sûr que c'est l'essentiel de Nirvana. Sinon, ce que je veux mentionner, c'est qu'en bas de cet enregistrement, j'ai mis des liens par rapport à certaines vidéos live du groupe de Nirvana de différentes années pour que vous puissiez, pour ceux et celles que ça intéresse, voir l'intensité qui était véhiculée dans cette musique. Sinon, par rapport au groupe Nirvana, je peux dire que je l'écoute une fois de temps en temps lorsque je vais m'entraîner sur le plan physique pour me dynamiser, pour me mettre en contact avec une certaine intensité et me rappeler l'importance d'être capable d'oser parler avec intensité au micro, parce que après tout, lui, il osait chanter avec intensité au micro en ayant l'audace de briser les tabous, les préjugés, là, parce que Nirvana, eux autres, ils gênaient pas pour faire des choses que les autres ne faisaient pas, dans le sens, y aller des fois sur scène, là, jouer des chansons qui n'étaient pas prévues. Sinon, ce que je voulais mentionner par rapport à Nirvana, c'est que lorsque j'ai écouté le groupe dans mon adolescence, c'était dans une période où j'avais subi beaucoup de refoulement lors de mon enfance. J'étais plutôt quelqu'un de timide, quelqu'un de gêné. Et là, de voir ces musiciens jouer avec très grande intensité du rock, chargé de l'émotion, de la colère, m'a donné le goût d'en faire autant. C'est-à-dire, je me suis acheté une guitare. Et puis, j'ai chanté également là, des chansons avec intensité pour véhiculer la vibration de la colère. Donc, laisser circuler à travers moi l'énergie de la colère sur le plan musical en étant capable de la jouer avec des notes de guitare et en chantant. Donc, ça m'a donné cette inspiration d'écouter Nirvana. Donc, fondamentalement, ça m'a donné l'audace d'exprimer ma colère et d'être capable de canaliser cette énergie dans le cadre d'une expression artistique. Donc, l'écoute de ce groupe de musique m'a amené à aller plus loin dans ma capacité d'expression et de sortir d'un état de refoulement, là. Donc, c'est ce qui a été l'utilité. C'est sûr que par la suite, en plus d'exprimer ma colère, j'ai développé aussi un esprit de contestation, une capacité aussi d'action pour régler certaines situations problématiques qui engendraient de la frustration à l'intérieur de moi, qui a engendré par la suite de la colère. Pour me sortir de la passivité et passer à l'action en vue de me redéfinir. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ce qui va à présent terminer cet enregistrement. Au revoir.